C'était une fatalité. On ne pouvait plus atteindre le disque lunaire. En passerait-on assez près pour résoudre certaines questions de physique ou de géologie, insolubles jusqu'alors? La distance qui séparait alors le projectile du satellite fut estimée à 200 lieues environ. Les voyageurs se trouvaient donc plus éloignés de la Lune que ne le sont les habitants de la Terre, armés de leur puissant télescope. Il était 00h30. Mes amis, dit alors le président d'une voix grave, je ne sais où nous allons. Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre. Néanmoins, procédons comme si ces travaux devaient servir un jour à nos semblables. Ayons l'esprit libre de toute préoccupation. Nous sommes des astronomes. Ce boulet est un cabinet de l'observatoire de Cambridge, transporté dans l'espace. Observons. Cela dit, le travail fut commencé avec une précision extrême et il reproduisit fidèlement les divers aspects de la Lune aux distances variables que le projectile occupa par rapport à cet astre. Aidé de la Mappa Selenographica de Baer et Mödler, les voyageurs pouvaient sans hésiter reconnaître la portion du disque encadrée dans le champ de leurs lunettes.